AO. La vie commence par un grand A, par un grand cri très électrique. La voix commence par un grand A, par le grand A des Amériques. La vie finit dans un petit O, dans l'oiseau qui nous mène en haut. La voix finit supersonique, dans un silence symphonique. Entre le grand A et le petit O, entre l'alpha et l'oméga, entre le silence et le cri, il y a toute l'histoire de ce monde. Il n'y a pas d'histoire sans la culture, il n'y a pas de culture sans les écritures, pas d'écriture sans lecture et pas de lecture sans alphabet. Quand on ne sait pas écrire un A, quand on ne sait pas écrire un O, on ne voit pas grand-chose ici-bas. Aussi bien retourner là-haut. Le mal d'un être humain sur deux, c'est de ne pas savoir encore lire et écrire son propre nom, de ne signer que par un X. Des messieurs X, des madames X, il y en a bien trop sur la planète. La moitié de l'humanité n'est donc pas alphabétisée. Je rappe, je dérape. Avant l'invention de l'alphabet, il n'y avait pas de démocratie. L'ABC de la démocratie, c'est toutes les lettres de l'alphabet. De A à O, de O à Z. Si tu veux pas devenir un X, si tu veux devenir un poète, mange donc ta soupe à l'alphabet. C'est avec l'alphabet qu'est née la mémoire de ce monde. Toute écriture est le testament de 500 000 générations. Pour que finisse l'abêtissement de la moitié de l'humanité par ceux qui profitent encore, qu'ils soient des illettrés, sur la table des nations, je dépose ici la complainte des 3 milliards d'analphabètes qui ne sauront jamais de quel oxygène, de quel carbone est constitué leur cri. Je dérape. Avant l'invention de l'alphabet, il n'y avait pas de démocratie. L'ABC de la démocratie, c'est toutes les lettres de l'alphabet, de A à O, de O à Z. Si tu veux pas devenir un X, si tu veux devenir un poète, mange donc ta soupe à l'alphabet. Aucun humain n'est vraiment libre s'il est encore analphabète. L'avenir des analphabètes est toujours suspendu à leur soif de savoir. Être alphabétisé, c'est être baptisé de la modernité. Tout peuple analphabète, pris en otage par les transnationales, porte son silence forcé, son cri sanglant, comme une bombe à retardement. L'écriture et le testament de l'humanité. Tout a commencé en Mésopotamie, il y a 5500 ans. En ce temps-là, écrire était le privilège du pouvoir. On a écrit à la craie, sur l'ardoise, au stylet, sur des papyrus, au poinçon, sur les dalles de pierre, au burin, sur les parchemins, au crayon de plomb, au stylo à bille, à la plume, au pinceau, jusqu'à Gutenberg. L'écriture est la conquête de la démocratie. Passée du pictogramme au pixel, l'écriture fait partie du marché mondial de la liberté. La connectivité s'écrit en profit chiffré. Le commerce de l'avenir sera la traduction simultanée de toutes les langues de la Terre en une seule langue universelle. Chérie, donne-moi ta langue. Quand elle tourne dans ma bouche, c'est jusqu'au cœur que tu me touches. Ta langue française m'émerveille, une musique à mes oreilles. Chérie, donne-moi ta langue, dis-moi que tu m'aimes, et en français.